بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله dans cette soirée du 4 شعبان 1442 de l'Hégire correspondant au 17 mars 2021. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble l'étude du livre de Ibn Jama'a al-Kinani qui s'intitule « Tadhkiratu Sami'. » Avant de commencer, et comme on est dans le début de ce mois de Sha'ban, et suite à la demande de certains de mes frères, j'ai vu opportun de faire un petit rappel sur l'importance et le grand mérite du jeûne pendant le mois de Sha'ban. Et tout ce que je vais dire est tiré du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui s'appelle « La Ta'if al-Ma'arif » « Fima li mawasim al-'am min al-wada'if » Donc ce livre dans lequel il a parlé de tous les mois de l'année et des adorations qui sont légiférées dans chaque mois. Il a rapporté Hadith Nabi alayhi salatu wassalam quand il a été interrogé par Usama ibn Zayd. Pour la raison pour laquelle il jeûnait le mois de Sha'ban. Il lui a dit وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانِ قَالَ ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانِ وَهُوَ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ وَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Donc, dans un long hadith, Usama radiyallahu anhu a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam pour la raison pour laquelle il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, comme il ne jeûnait pas dans un autre mois, d'une manière surrogatoire. Il lui a dit, ce mois, c'est-à-dire le mois de Sha'ban, est un mois par rapport auquel les gens sont distraits et insouciants, car ils se trouvent entre deux mois, le mois de Rajab, le quatrième des mois sacrés, et le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Donc ils se trouvent entre un mois sacré et le meilleur mois de l'année. C'est pour ça les gens, ils ne lui accordent pas l'importance qu'il mérite. Et ensuite il a dit, et c'est un mois dans lequel les œuvres sont levées à Allah le Seigneur des mondes. Et j'aimerais que mes œuvres soient levées à Allah en étant dans un état de jeûne, en étant dans un état de jeûne. Donc dans ce hadith, Nabi alayhi salatu wassalam, il a précisé la raison pour laquelle il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, comme il ne jeûnait pas dans un autre mois, d'une manière surrogatoire bien évidemment. Et on va voir dans d'autres hadiths, selon notre mère Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit dans une version que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait la totalité du mois de Sha'ban. Elle a dit, rapporté par l'imam al-Bukhari, « Kana yasumu Sha'ban kullah » Quand elle a décrit le jeûne du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit qu'il jeûnait le mois de Sha'ban dans sa totalité. Et dans la version de l'imam muslim, elle a dit qu'il jeûnait entièrement le mois de Sha'ban. Et ensuite, elle a dit, il jeûnait le mois de Sha'ban, sauf quelques jours, excepté quelques jours de ce mois. Donc ça, ça nous permet de comprendre ce qu'a voulu dire notre mère Aïcha radiallahu anha. Et ça, ça permet de ne pas avoir de contradiction entre les autres dalils et les autres hadiths dans lesquels il est rapporté que Nabi Aïcha salam n'a jamais jeûné un mois entièrement, excepté le mois de Ramadan. Donc, elle veut dire que le prophète Aïcha salam jeûnait beaucoup pendant ce mois. Il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Et elle a dit, كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله برمضان. Dans ce troisième hadith, elle a dit que le mois que le prophète عليه الصلاة والسلام aimait beaucoup jeûner, c'était le mois de Sha'ban. C'était le mois de Sha'ban. C'est pour ça beaucoup de savants, tels que l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et autres ont dit que le prophète alayhi salam sallam ne jeûnait pas la totalité du mois de Sha'ban, mais il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Et ça, ça va en accord avec l'autre hadith comme j'ai cité, que le prophète alayhi salam sallam n'a jamais jeûné un mois dans sa totalité, excepté le mois de Ramadan. Donc de ce hadith, on tire beaucoup de raisons pour lesquelles le prophète, alayhi salatu wassalam, aimait jeûner la majorité du mois de Sha'ban. Première faïda qu'on a retenue, c'est que Nabi alayhi salam ne jeûnait pas la totalité, mais il jeûnait la majorité du mois de Sha'ban. Ensuite, parmi les sagesses pour lesquelles le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait beaucoup pendant ce mois, c'est que les gens, en général, sont insouciants pendant ce mois, par rapport au jeûne et par rapport à l'adoration. Et comme vous savez, le mérite de l'adoration pendant l'insouciance des gens est supérieur. Yani, adorer Allah quand les gens sont insouciants est plus méritoire que de l'adorer quand tout le monde l'adore, ou quand la majorité des gens l'adore. Et c'est pour ça que vous trouvez que la prière de nuit a un mérite extrêmement élevé dans l'islam. Car c'est un moment où la plupart des gens sont insouciants, sont dans leur sommeil, ils dorment. Et toi, tu te lèves et t'adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, vous trouvez que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant les périodes de troubles est plus méritoire. Est plus méritoire, car en général, pendant les troubles, les gens s'éloignent de l'adoration, s'éloignent de la lecture du Coran, s'éloignent de la prière nocturne, et ainsi de suite. Également, donc c'est un mois qui se trouve entre deux mois, dont le mérite est connu par la plupart des gens, car l'un d'entre eux est un mois sacré, et le deuxième, c'est le mois de Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé, et dans lequel se trouve une nuit dont le mérite est supérieur au mérite de 1000 mois, 2000 mois dans l'adoration. Le croyant jeûne pendant ce mois en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. Et si tu ne penses qu'à ce mérite-là, ça suffit pour jeûner ce que Allah subhanahu wa ta'ala te permet de jeûner pendant ce mois. Et ça, c'est parmi les plus grandes sagesses, bien évidemment. C'est suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et être sensibilisé. Quand tu jeûnes, tu suis la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est parmi les plus grands mérites dans le jeûne pendant le mois de Sha'ban. Également, le jeûne pendant le mois de Sha'ban, pour le mois de Ramadan, est similaire et semblable à la prière surrogatoire qui précède la prière obligatoire. Et vous savez que l'avis le plus fort des hommes de science est que la prière surrogatoire la plus méritoire de manière absolue, c'est-à-dire la prière la plus méritoire après les obligations, c'est ar-rawatib et non pas qiyam al-layl. Qiyam al-layl vient après ar-rawatib. Qiyam al-layl, il vient après ar-rawatib. Il y a des savants qui voient que qiyam al-layl est plus méritoire que ar-rawatib. Mais l'avis de l'imam Ibn Rajab et de beaucoup de savants, c'est que les prières surrogatoires sont plus méritoires que qiyam al-layl. Car l'adoration qui est en lien, l'adoration surrogatoire qui est en lien avec l'adoration obligatoire, elle aura le même mérite et la même récompense que l'adoration obligatoire. Et ça, c'est une règle générale. De même pour le jeûne pendant le mois de Sha'ban. C'est le meilleur jeûne surrogatoire dans l'année. C'est le meilleur jeûne surrogatoire dans l'année. Et comme bien même le prophète alayhi sallam a montré le mérite du jeûne pendant le mois de Muharram, mais c'est pas rapporté de lui qu'il le jeûnait. C'est pas rapporté de lui qu'il le jeûnait. Par contre, le mois de Sha'ban, c'est rapporté de lui qu'il jeûnait la quasi-totalité du mois. Et l'avis qu'a donné l'imam Ibn Rajab, que les prières surrogatoires sont meilleures que la prière de nuit, c'est l'avis de la plupart des savants. Il l'a attribué à la plupart des savants, excepté dans le madhhab Shafi'i, où il voit l'inverse. Il voit l'inverse. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle le jeûne pendant Sha'ban est extrêmement méritoire. C'est comme un jeûne surrogatoire pour le jeûne obligatoire de Ramadan. Également, parmi les sagesses qu'a cité l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, c'est que ce mois, c'est dans ce mois, les actes du serviteur sont levés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même sagesse que le Nabi alayhi salam a cité quand il a été interrogé par rapport au jeûne pendant le jour du jeudi. Il a dit, c'est un jour dans lequel les actes sont levés à Allah subhanahu wa ta'ala et j'aimerais que mes actes soient levés et mes œuvres soient levées en étant dans un état de jeûne. Un état d'adoration, tes actes sont exposés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu es dans une adoration qu'Allah aime énormément. Une adoration dans laquelle il y a énormément de sincérité. Comme vous savez, le jeûne, c'est une adoration dans laquelle il y a énormément de sincérité. Et la sincérité est facile, sauf si tu viens la gâcher avec tes paroles. Mais la sincérité dans le jeûne est beaucoup plus facile que les autres adorations. Car si tu ne manges, tu t'abstiens de manger, de boire et des rapports, yani, les gens ils voient pas si jamais tu transgresses. Et tu manges chez toi et tu sors et tu fais comme si tu jeûnais. Mais le problème qu'il puisse y avoir, c'est que tu viennes et que tu montres aux gens que tu jeûnes. Surtout quand c'est un jeûne surrogatoire. Faut cacher ses bonnes œuvres comme tu caches tes péchés. Et c'est pour ça, ça n'existait pas chez Salaf de faire une rupture de jeûne en groupe. Surtout pour le jeûne surrogatoire. Surtout pour le jeûne surrogatoire. Afin que chacun cache son jeûne et ne le montre pas. Donc c'est un mois qui se trouve entre deux mois extrêmement méritoires et c'est un mois dans lequel les œuvres du serviteur sont levées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier sens qu'il a cité, il a dit que le jeûne pendant le mois de Sha'ban, est similaire à un exercice. Et un exercice qui t'habitue à jeûner avant l'arrivée du mois de Ramadan, afin de ne pas entamer le jeûne de Ramadan avec une difficulté. Et tu constates que quand tu jeûnes pas, yani pour ceux qui sont pas habitués à jeûner régulièrement, 3 jours par mois, ou lundi, les lundis, les jeudis, ou autres, et qu'Allah nous facilite le bien, on constate que quand on commence le jeûne de Ramadan, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné, on va passer les premiers jours de Ramadan avec une grande difficulté. Les 3-4 premiers jours, ça dépend de la quantité du sucre dans ton corps. Et yani, ton sucre, il va réclamer, ton corps va réclamer le sucre, et tu vas sentir comme des nausées, envie de... yani, comme si t'allais t'évanouir, la tête qui tourne, des maux de tête, tout ça parce que le corps n'est pas encore habitué au jeûne. Et après ces 3-4 premiers jours, le corps, il s'habitue. Donc celui qui commence à jeûner pendant Sha'ban, il ne va pas avoir ces sensations pendant le jeûne de Ramadan. Et il va entamer le jeûne de Ramadan avec une envie et un grand plaisir. Il va profiter pleinement de l'adoration, il va être en pleine forme dans ce mois de Ramadan. Et comme Sha'ban te prépare au mois de Ramadan, il a été légiféré dans le mois de Sha'ban des choses qui sont légiférées pendant le mois de Ramadan et qui sont recommandées pendant le mois de Ramadan. Il est rapporté de Salaf qu'ils sortaient leur zakat pendant le mois de Sha'ban afin d'aider les démunis et les pauvres et leur donner de quoi se préparer au jeûne de Ramadan. Comme ça, quand il commence Ramadan, ce démuni, ce pauvre, il va le commencer en ayant de quoi subvenir à ses besoins. Il ne va pas être préoccupé par le rizq. C'est pour ça, c'est quelque chose de bien de sortir la zakat ou de faire des sadaqat pendant le mois de Sha'ban. Également le mois de Sha'ban, comme c'est rapporté de Salam ibn Kuhayl, il disait « Shahru Sha'ban, Shahru al-Qurra ». C'est le mois des récitateurs de Qur'an. C'est le mois de la récitation du Qur'an. Le croyant, il récite le Coran toute l'année, tous les jours. Chaque jour, tu dois avoir une partie du Coran que tu lis quotidiennement. Et tu ne dois la rater. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas la louper. Mais pendant le mois de Sha'ban, il est recommandé d'augmenter cette quantité que tu récitais habituellement. Et c'est rapporté également de Habib ibn Abi Thabit, quand il commençait le mois de Sha'ban, il disait, ça c'est le mois des récitateurs, c'est-à-dire le mois de la récitation, dans lequel on double les efforts dans la récitation du Qur'an. Et il a rapporté Ibn Rajab, rahimahullah, dans notre salaf, quand commençait le mois de Sha'ban, il fermait son magasin et il s'adonnait pleinement à la récitation du Qur'an. Et ça permet de répondre à une question qu'on se pose beaucoup. Quand on commence Ramadan, on commence avec une grande volonté, une grande envie, une grande ambition de finir le Coran tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 7 jours, chacun selon son ambition. Mais on constate, avec au fur et à mesure des jours qui passent, on constate qu'on n'y arrive pas. Et que c'est au-dessus de nos capacités. Pourtant, on entend certains qui finissent le Coran quotidiennement pendant Ramadan, d'autres qui le finissent deux fois par jour. Pourquoi on n'y arrive pas? Je vais vous donner la réponse. Et subhanallah, quand j'ai appris cette réponse, ça m'a permis de comprendre personnellement beaucoup de choses par rapport à ce point en particulier. Car chaque Ramadan, on est animé d'une grande envie de faire comme Salafi faisait. Mais on voit qu'on n'y arrive pas. La réponse, mes frères, c'est que c'est pas avec l'arrivée de Ramadan que tu vas commencer à faire les efforts. C'est pas avec l'arrivée de Ramadan que tu vas commencer pour la première fois de ta vie à lire 10 hizb ou 10 juz. Non. Ça, tu vas jamais y arriver. Les efforts doivent être faits sur toute l'année. C'est pour ça, tu trouves que ceux qui lisent 1 juz par jour, pendant Ramadan, ils peuvent lire jusqu'à 5 juz. Un peu plus, un peu moins, c'est approximatif. Mais en tout cas, ils vont pouvoir lire plus, facilement. Et ceux qui lisaient 2 juz, c'est-à-dire 4 ahzab par jour, ils vont pouvoir lire encore plus. Et ainsi de suite. Mais quelqu'un qui ne lit pas toute l'année, il boycotte le Coran. Il ne lit pas toute l'année, il vient en Ramadan, il veut faire comme Salaf, ça c'est inimaginable. C'est pour ça, c'est une chance pour nous d'avoir ce mois de Sha'ban pendant lequel tu vas commencer à prendre un bon rythme et à lire une bonne quantité de le Coran. Et si tu fais des efforts pendant Sha'ban, tu vas récolter les fruits pendant le mois de Ramadan et tu vas voir que le Coran va être facilité à la récitation et tu vas faire quelque chose, yani une récitation considérable qui se rapproche de ce qui est rapporté de Salaf. Voilà par rapport à cette partie. Ensuite, nous allons commencer bi'idhnillahi ta'ala. Là, on s'était arrêté dans notre cours d'Ibn Jama'a rahimahullah. On a parlé dans le cours précédent des règles de bienséance de l'étudiant en soi, en lui-même. Et on a vu 5 adab concernant le demandeur de science en lui-même, en sa personne. Le premier adab qu'on a vu, c'est la purification du cœur de toute forme de corruption et de rancune et de tricherie et ainsi de suite. Purifier le récipient qui va contenir la science. Et le deuxième adab, c'est la bonne intention dans la demande de science. Et il a cité, rahimahullah, plusieurs bonnes intentions que tu puisses avoir dans la demande de science. Et le troisième, c'est d'exploiter la jeunesse dans la demande de science et de ne pas reporter et de commencer immédiatement. Mais pour celui qui commence jeune, il aura des facilités. Mais ça ne veut pas dire que celui qui commence tard dans la demande de science n'arrivera pas à des résultats yani importants. Car la plupart des compagnons ont demandé la science après la quarantaine. La plupart des compagnons, radiyallahu anhum, surtout les plus grands parmi eux, tels que Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, et la liste est longue. Donc, la demande de science jeune, c'est une facilité. Mais ça ne veut pas dire que le grand ne peut pas arriver à des grands niveaux dans la science avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, ils ont dit à un salaf une parole qui est très connue, très très célèbre. Ils disent at-ta'allumu fi as-sighr kan-naqshi 'ala al-hajar. Apprendre jeune, c'est comme apprendre petit ou jeune, c'est comme graver sur les pierres, ça s'ancre. Il leur a dit « Aqlul kabiri akbar » ولكن الهموم أكثر. Il a dit les capacités intellectuelles et du grand sont plus importantes que les capacités intellectuelles du petit. Le grand, il peut assimiler beaucoup plus qu'un petit et comprendre. Un petit, en général, quand il mémorise, il comprend pas ce qu'il mémorise. Donc le grand, il a certainement plus de capacités. Mais pourquoi il n'arrive pas à des résultats comme le petit? Il a dit, car ses soucis sont plus nombreux. Ses occupations, ses responsabilités, tout ça. Et le quatrième adab qu'il a cité, c'est de se suffire du peu de subsistance, de ce que Allah te facilite et t'accorde sans beaucoup d'efforts comme subsistance, de se contenter de cela et de se libérer pour la demande de science. Si tu veux manger les meilleures viandes, si tu veux manger les meilleurs plats, si tu veux manger des gâteaux, si tu as autant d'envie, ça sera difficile pour toi de demander la science. Car pour avoir ces choses-là, faut travailler pour gagner de quoi les payer. Et ça, ça va te prendre beaucoup de temps. C'est pour ça il t'a recommandé de te contenter du peu et de ce que Allah te facilite. Le cinquième adab qu'il a cité, c'est de bien s'organiser dans son temps et de répartir son temps entre ses obligations et de profiter pleinement de ce qui reste de sa vie. Car ce qui reste de ta vie est inestimable. Il vaut extrêmement cher. Chaque seconde, si tu savais sa valeur, tu ne l'aurais pas exploité dans autre chose que ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le sixième, auquel on s'était rendu, dans lequel il a dit, As-sadis min a'zam al-asbab al-mu'inati 'ala al-ishtighal wal-fahm wa 'adam al-milal aklu al-qadr al-yasir min al-halal. Il a dit parmi les causes les plus bénéfiques et les plus profitables dans la demande de science et dans la compréhension et qui éloigne de la lassitude, aklu al-qadr al-yasir min al-halal. Ça, c'est la cause, parmi les causes les plus importantes qui vont t'aider dans ta demande de science, qui vont te faciliter la compréhension et qui vont éviter la lassitude dans la demande de science. C'est quoi? Il a cité une seule cause pour son importance. C'est de se contenter de manger peu du halal. Pas beaucoup de halal. Et pas peu de haram non plus. Manger peu du halal. Manger peu du halal. Et comme je vous ai dit, ce qui va suivre parmi l'adab qui reste, la plupart sont en lien avec ce point. Sont en lien avec ce point. Manger le halal et manger peu du halal. قال الشافعي رضي الله عنه ما شبعت منذ 16 سنة. الله أكبر. Il a rapporté de l'imam Shafi'i, il a dit, je ne me suis pas rassasié depuis plus de 16 ans. Il n'a pas mangé jusqu'à se rassasier depuis plus de 16 ans. Rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ça, c'est rapporté de beaucoup de salaf. Ils mangeaient très peu. Au point où certains d'entre eux, ils mangeaient que des miettes de pain. Et ils faisaient suivre ça d'un verre d'eau et c'est fini. Ensuite, il a dit, وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ جَالِبَةٌ لِكَثْرَةِ الشُّرْبِ. Et la raison pour laquelle faut se contenter de peu dans ce que tu manges et que ce soit du halal uniquement, car quand tu manges beaucoup, ça va te donner envie de boire beaucoup. Et quand tu vas boire beaucoup, ça va te donner envie de dormir beaucoup. Et ça, ça étourdit. Et ça diminue l'intelligence. Et ça rend fainéant et paresseux. Ça rend fainéant et paresseux. Tu manges beaucoup, tu bois beaucoup, tu dors beaucoup. Les gens comme ça, en général, leur intelligence diminue. Et ça, c'est des choses qui rendent bêtes. C'est pour ça qu'ils ont dit أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى أَحَبُّ الْآدَمِيِّينَ إِلَى الشَّيْطَانِ الْأَكُولُ النَّاؤُمُ. Les hommes les plus aimés par Shaitan, c'est celui qui mange beaucoup et qui boit beaucoup et qui dort beaucoup. Qui mange beaucoup et qui dort beaucoup. Et celui qui mange beaucoup, forcément, il dort beaucoup. هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. En plus que ceci, c'est-à-dire manger beaucoup et boire beaucoup et dormir beaucoup, c'est quelque chose qui est détesté dans la religion. Et ça t'expose à des maladies physiques. Comme il a été dit dans ce vers, فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ. Les maladies, le plus souvent, يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ. Les maladies, le plus souvent, sont provoquées par ce que tu manges et ce que tu bois. وَلَمْ يُرَ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ يَصِفُ شَاكِرًا أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به وإنما تحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل. الله المستعان. Il a dit, c'est pour ça on n'a jamais vu quelqu'un parmi les alliés d'Allah, parmi les imams des savants, qui louait quelqu'un pour manger beaucoup et boire beaucoup. Et on n'a jamais décrit quelqu'un et le louer parce qu'il mange beaucoup ou il dort beaucoup. Mais ce qui est loué pour manger beaucoup et boire beaucoup, ce sont les bêtes, les montures et les animaux qui sont insensés, qui n'ont pas de raison et qui sont utilisés pour le travail. On loue une bête, on dit elle est pleine, elle est remplie, mais pas un homme. Pas un homme. Et les bêtes, c'est normal qu'on... Yani, les montures et les animaux, c'est normal qu'elles soient louées de cette manière. Car leur valeur augmente et, ça, et yani, ils peuvent faire mieux encore leur travail. والذهن الصحيح c'est pour ça ils ont rapporté de l'imam Shafi'i, il a dit la خير في سمين. Il n'y a pas de bien en quelqu'un qui est obèse. Ça, c'est une parole qui a été rapportée de l'imam Shafi'i. Et dans une riwaya, il est rapporté qu'il a dit la خير في سمين الا ان يكون مثل سفيان. Il n'y a pas de bien en quelqu'un qui est obèse sauf s'il est comme Soufiane. Et il voulait dire Soufiane al-Thawri, qui avait du poids, mais qui était un homme extrêmement dynamique dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rapporte de lui qu'il mangeait beaucoup. Mais dès qu'il termine de manger, il se lève, il commence Qiyam al-Layl, il pleure toute la nuit. Donc ça, c'est des cas particuliers. En général, quelqu'un qui mange beaucoup, comme on a vu dans ce qui a précédé, il va boire beaucoup et dormir beaucoup. Mais il y a des exceptions comme ça. Il y a des exceptions comme ça. C'est pour ça que Shafi'i rahimahullah, il a fait exception de Sufyan al-Thawri rahimahullah. والذهن الصحيح أشرف من تبديله وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم Il a dit l'esprit bon et saint, il a plus de valeur et d'estime que de le gaspiller avec des nourritures qui n'ont que très peu de valeur et qui vont aboutir à ce qu'on connaît. La fin de ce que tu manges, on connaît où ça se termine, c'est ce qu'il veut dire. Donc, gâcher ton esprit et ton intelligence et ta compréhension avec ces nourritures-là qui aboutissent à ce qu'on connaît, ça c'est vraiment le gâchis. C'est le vrai gâchis. Ensuite, il a dit « وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ آفَاتِ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا الْحَاجَةُ إِلَى كَثْرَةِ دُخُولِ الْخَلَاءِ لَكَانَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اللَّبِيبِ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنْهُ وَمَنْ رَامَ الْفَلَاحَ فِي الْعِلْمِ وَتَحْصِيلَ الْبُغْيَةِ مِنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ فَقَدْ رَامَ مُسْتَحِيلًا فِي الْعَادَةِ. Et s'il n'y avait d'inconvénient dans le fait de manger beaucoup et de boire beaucoup, que l'envie d'aller souvent faire ses besoins, ça aurait suffi pour l'homme doué de bon sens, l'homme intelligent, de se préserver de cela. Allahu Akbar, regardez comment c'est savant, comment ces déductions, subhanallah, tu lis ça, ça te donne presque même plus envie de manger. S'il n'y avait d'inconvénient dans le fait de manger et de boire beaucoup, que le fait de devoir aller et se rendre souvent aux toilettes, ça aurait suffi pour l'homme intelligent de passer une partie de sa journée dans ces endroits-là, dans lesquels il ne peut ni évoquer Allah, ni réciter le Coran, ni faire de adhkar. L'endroit préféré de Shayatin, ou parmi les endroits préférés de Shayatin. Et celui qui veut et qui vise la réussite dans la science et d'atteindre un niveau important dans la demande de science en mangeant beaucoup et en buvant beaucoup et en dormant beaucoup, celui-là, il cherche à obtenir une chose impossible dans l'habitude des gens. Dans ce qui est habituel, jamais t'arriveras à ton objectif de cette manière. Mais tu peux y arriver. C'est ça qu'il veut dire. والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي. Il a dit, est-ce qu'il se doit pour le demandeur de science de respecter dans ce qu'il mange ce qui a été rapporté dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il a dit jamais le fils de Adam n'a rempli un récipient pire que de remplir son estomac. Et il suffit au fils de Adam quelques bouchées qui lui permettront de prendre des forces et de tenir debout. Et s'il doit manger plus que cela, alors qu'il fasse qu'un tiers soit pour sa nourriture, et un tiers pour sa boisson, et un tiers pour sa respiration. Nous, on remplit l'estomac avec la nourriture. On ne laisse ni le tiers de la boisson, ni le tiers de la respiration. Et c'est pour ça, en général, dès que tu termines de manger, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller dormir. فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَالزِّيَادَةُ إِسْرَافٌ خَارِجٌ عَنِ السُّنَّةِ. S'il mange plus que cela, plus que ce tiers, alors il faut savoir que ce rajout est un excès. Est un excès qui n'est pas conforme à la sunna. وقد قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens approximatif, mangez, buvez, et ne soyez pas excessifs. قال بعض العلماء جمع الله بهذه الكلمات الطب كله. Certains savants ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que je viens de lire, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, il a regroupé toute la médecine. Toute la médecine, la science de la médecine est contenue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُلُوا وَشْرَبُوا, mangez et buvez. وَلَا تُسْرِفُوا, et ne soyez pas excessifs. Donc si tu manges plus que ce tiers, t'es sorti de la conformité à la sunna. Ensuite il est passé au septième adab. أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه. C'est le septième, c'est de se préserver et d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires et de chercher le halal dans sa nourriture, dans sa boisson, dans ses vêtements, dans son logement. وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. Donc il doit chercher le halal dans tout ce qu'il mange et ses boissons, ses vêtements, son logement et également dans les choses dont il a besoin pour subvenir aux besoins de ses enfants, afin que son cœur s'illumine et s'éclaire, il devient réceptible pour la science et la lumière de la science, et que la science lui soit profitable. Donc c'est une condition de chercher le halal dans toutes tes affaires si tu veux profiter de la science. Et on a vu précédemment que zuhd, le délaissement de dunya, c'est délaisser ce qui n'est pas profitable dans l'au-delà. Et le wara', dont il parle ici, qui est un niveau inférieur, le wara', c'est de délaisser toute chose dont tu crains la nuisance dans l'au-delà. Donc le wara', délaisser les choses dont tu crains que ça te nuise devant Allah. Mais zod, qui est un niveau plus élevé, c'est de délaisser toute chose qui n'est pas profitable pour toi auprès d'Allah. Et ça, c'est quelqu'un qui va transformer toute sa vie en adoration. Il va transformer toute sa vie en adoration. Il mange, c'est une adoration. Il boit, c'est une adoration. Il a des relations intimes avec son épouse, c'est une adoration. Il consacre du temps pour s'amuser et pour faire jouer ses enfants, c'est une adoration. Tout ce qu'il fait, ça devient une adoration. Et tout ce qui ne le rapproche pas d'Allah, il le délaisse. Ça, c'est Zahid, c'est l'asset. L'Wari', il n'arrive pas à ce niveau-là. Mais il délaisse toute chose, quand il n'a pas la certitude que c'est autorisé, il la délaisse. Et le wara', c'est comme dans le hadith de l'Arba'in, « Da' ma yaribuka ila ma yaribuka ». Délaisse ce qui inspire le doute pour ce qui ne l'est pas. Ça, c'est le wara'. Ensuite, il a dit « وَلَا يَقْنَعُ لِنَفْسِهِ بِظَاهِرِ الْحِلِّ شَرْعًا مهما أمكنه التورع ولم تلجه حاجة أو يجعل حظه الجواز بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير بما كانوا يفتون بجوازه. الله أكبر. Il a dit que ce demandeur de science, il ne doit pas se contenter de la licité, yani le caractère licite, la licité apparente. Dans l'apparence, c'est licite. Lui, il ne doit pas se contenter de cela. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Sans s'exposer à des dangers, lui-même ou sa famille. Mais il ne doit pas se contenter de l'halal dans l'apparence. Il doit chercher à et vérifier et faire preuve de munitie dans toutes ses affaires. Et il ne doit pas se contenter non plus de ce qui est permis et autorisé. Mais il doit demander un degré supérieur et prendre comme exemple nos pieux prédécesseurs, les savants de Salaf, qui délaissaient beaucoup de choses. Pourtant, quand ils étaient interrogés, ils disaient que c'est autorisé. Ils font le fatwa pour les gens que c'est autorisé, mais eux, ils les délaissent. Et ça, c'est un niveau, bien évidemment, dont ils parlent ici. Et ça, malheureusement, on le constate. Et c'est pire encore quand c'est un salafi. Et c'est pire encore quand c'est un salafi qui apprend sa religion, qui est un talib ilm. Quelqu'un qui a étudié pendant 15 ans, 20 ans avec les savants, par exemple dans un pays comme l'Arabie Saoudite, à Médine. Ensuite, il repart en France et commence à manger dans des endroits tels que McDonald's ou des choses comme ça, sous prétexte que c'est autorisé selon une fatwa. Talib al-ilm, il doit se préserver de ce qui est autorisé. Que dire de ce qui est douteux? Que dire de ce qui est douteux? Il doit se préserver de beaucoup de choses qui sont permises et qui sont autorisées. Et comme c'est rapporté de Omar, qu'il délaissait 9/10 de ce qui est autorisé, afin de ne pas tomber dans une seule chose interdite. Allahu Akbar. Comparez ça à quelqu'un qui a pris l'avis que c'est autorisé de manger dans ces endroits-là, ou des endroits semblables. Ou quelqu'un, après avoir demandé la science pendant 15 ans, 20 ans, il est convaincu qu'il peut épouser une femme avec l'intention du divorce. Et peut-être tu lui aurais demandé son avis avant le début de la demande de science, quand c'était un ami, il t'aurait dit non, c'est pas permis. Et subhanallah, quand sa science augmente, il voit que ça c'est autorisé. C'est autorisé. Tu l'acceptes pour ta sœur, pour ta fille. Est-ce que tu peux l'accepter pour ta fille? La marier à un frère, il l'épouse pendant une semaine avec l'intention de la divorcer. Est-ce que tu accepterais ça pour ta sœur et pour ta fille et pour ta mère? Bien évidemment, je ne pense pas que quelqu'un l'accepterait pour sa fille ou pour sa sœur ou pour sa mère. Alors comment tu l'acceptes pour ta sœur fillah? Et comme j'ai entendu de certains parmi les hommes de science, ils ont dit que le savant qui a fait cette fatwa, qui est un grand savant, par rapport à des paroles rapportées de salaf, il a dit, s'il avait vu les conséquences de sa fatwa, il serait revenu sur sa fatwa. Et certains parmi les tollab l'ilm, que je considère malades, qu'Allah me préserve et les ramène à leur raison, ils ont utilisé ces choses-là pour faire beaucoup de dégâts dans la Ummah. Et malheureusement, comme j'ai dit, tu lui demandes, avant de s'engager dans l'apprentissage, il ne ferait pas ça. Et après 15 ans d'apprentissage, ça devient autorisé. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas profité de sa science. Pour moi, c'est quelqu'un, sa science a été contre lui et ne l'a pas rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'exemples qu'on puisse citer, mais on va se limiter à ces deux-là. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله الله أكبر. Et celui qui est plus à même d'être pris comme exemple, c'est notre prophète, notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez qu'il n'a pas pris cette date qu'il a trouvée par terre par crainte que ça fasse partie de la sadaqa, de zakat, qui n'est pas autorisée pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et pour sa famille. Il a trouvé une date par terre, yani c'est al-Hassan ou al-Hussein. Il n'a pas cité ici, mais je ne me rappelle pas est-ce que c'était al-Hassan ou al-Hussein. En tout cas, c'est un des deux. Des fils de Fatima radiallahu anha avec Ali radiallahu anhuma, il a trouvé une date, il lui a dit de ne pas la manger. Il l'a trouvée par terre, par crainte que ça fasse partie de sadaqa qui n'est pas autorisée pour le prophète alayhi salam, mais pour sa famille. Et également car les hommes de science, ils sont pris comme exemple. Et si eux, ils se préservent pas de ces choses-là, c'est qui va s'en préserver? Allahu Akbar. Regardez comment il a dit. Si les hommes de science ne se préservent pas de ce qui est douteux, c'est qui va s'en préserver? Et si les hommes de science ne mettent pas en pratique la sunna, c'est qui va la mettre en pratique? وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرُّخَصَ فِي مَوَاضِعِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَوُجُودِ سَبَبِهَا لِيُقْتَدَى بِهِ فِيهَا فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. Et cependant, il lui permet de prendre des permissions qu'Allah a données quand il en a besoin, afin qu'il soit pris comme exemple par les gens et qu'ils savent que cette permission, tu peux la prendre, car Allah aime qu'on prenne ses permissions comme il aime qu'on acquitte ses obligations. Mais il utilise ça avec une juste mesure. Et dans les circonstances où les gens vont le voir et le prendre comme exemple. Le huitième adab qu'il a cité, أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلاذة وضعف الحواس. Le huitième adab, ça rejoint la nourriture. Et vous voyez que la nourriture, elle a une grande importance dans ta demande de science. Ce que tu manges et ce que tu bois. Et les moments dans lesquels tu vas te reposer. Bien s'organiser dans ces points-là, ça sera parmi les choses qui vont t'aider le plus dans ta demande de science. Et c'est pour ça qu'ils ont rapporté de Salaf, celui qui contrôle son estomac, il contrôlera sa religion. Et ça veut tout dire. Donc il doit diminuer les nourritures qui rendent bêtes et qui provoquent la stupidité et qui affaiblissent les sens. Il a cité des exemples. Il a cité la pomme acide. Il a cité le baqila, les fèves, yani les nourritures en général qui sont lourdes, et de boire le vinaigre, yani en quantité, mais en toute petite quantité, en l'utilisant, yani en petite quantité, il n'y a pas de mal. Et également les choses qui augmentent les glaires et qui rendent et qui alourdissent le corps. Les choses, les nourritures qui augmentent les glaires et qui alourdissent le corps. Comme manger avec exagération et en excès les produits laitiers. et les catégories de poissons gras. Et à l'opposé de cela, il doit manger les nourritures qui améliorent l'esprit et qui renforcent l'esprit et qui améliorent la réflexion et qui augmentent l'intelligence. Il a cité des exemples également. Il a cité Kamadril Luban, comme mâcher al-Luban. Luban, c'est une gomme, une matière gluante qui sort d'un arbre, qui s'appelle Luban, elle est connue, en tout cas ici en Arabie Saoudite. Ça s'utilise comme un chewing-gum. C'est un produit naturel, c'est une forme de gomme naturelle que tu mâches, et ça donne un goût, et ça donne des produits qui vont dans l'estomac, qui sont très bénéfiques, et vous voyez qu'il a cité ça en premier. Mais il a dit selon l'habitude de la personne. Bien, ce qui est bénéfique pour un tel peut ne pas l'être pour un autre. Également, manger les raisins secs de bonne heure le matin et boire un peu d'eau de rose. Aklu zabibi bukratan wal julab. Le julab, c'est l'eau de rose. وينبغي أن يتجنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل أثر سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور. Ensuite, il a cité des choses. On va les sauter. Il a dit qu'il faut éviter tout ce qui provoque l'oubli, tel que manger, boire le reste d'une chose dans laquelle a bu la souris, ou lire ce qui est écrit sur les tombes. Tout ça, les choses hado qu'il a citées ici dans ce paragraphe, c'est peut-être des choses qu'il a pris de certains médecins, mais on peut pas les accepter comme ça, il n'y a pas de dalil dessus. Lire ce qui est écrit sur une tombe, ça provoque l'oubli. Passer entre deux montures qui sont tractées l'une après l'autre, ça provoque l'oubli. Jeter des poux, les poux de la tête, ça provoque l'oubli. Il a dit ainsi de suite parmi les choses expérimentées. Ça suffit pas. Mais peut-être qu'il a pris ça de certains médecins. Mais pour nous, éviter les choses qui provoquent l'oubli, mais c'est pas ces choses-là qu'il a citées. Le 9e adab qu'il a cité, rahimahullah, an yuqallila nawmahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Diminuer son sommeil à condition que ça ne lui fasse pas du mal dans son corps ou dans son esprit. Wa la yazidu fi nawmihi fil yawmi wal layla ala 8 sa'at wa huwa thuluthu az-zaman. Et de toute manière, il doit diminuer les heures du sommeil selon son cas, sans se faire du mal et nuire à sa santé ou son esprit. Mais de toute manière, il dit que son sommeil ne doit pas être supérieur à 8 heures par jour et nuit. Le total de ce qu'il dort sur 24 heures ne doit pas dépasser un tiers du temps. Sur 24 heures, il ne doit pas dormir plus de 8 heures. Sieste et sommeil de nuit cumulé ne doit pas dépasser 8 heures. Et ça, c'est un tiers du temps, de son temps. Donc, il ne doit pas dormir de toute manière plus que ça. Ça, c'est le maximum. C'est le maximum, pour un être humain. Et s'il peut supporter de dormir moins que ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est rapporté du Cheikh Ibn Baz qui dormait 4 heures. Il dormait 4 heures, rahimahullah. Et il n'a jamais loupé une prière de l'Fajr à la mosquée pendant toute sa vie, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme. Il a dit, il n'y a pas de mal à ce qu'il repose son âme, son cœur, son esprit, sa vue, ou toute chose qui faiblisse. S'il sent qu'il a une faiblesse dans un domaine ou dans un point, alors il n'y a pas de mal à se reposer en faisant une balade ou quelque chose comme ça jusqu'à retrouver ses forces. Et il peut exercer un sport ou la marche pour son corps. Car il a été dit que le sport et la marche débarrassent le corps des choses mauvaises et donnent, yani, plus d'activité dans le corps. Ça rend le corps plus actif. Il n'y a pas de mal à avoir des rapports dans le halal s'il a besoin de cela. Car les médecins ont rapporté que ça permet également de débarrasser le corps de l'excès et de le dynamiser et de purifier l'esprit et de rendre l'esprit plus clair, mais d'une manière modérée. Il doit être en garde contre l'exagération dans ce point, comme il est en garde contre son pire ennemi. Contre son pire ennemi. Car ça affaiblit lui et la vue et les nerfs, et ça prend la chaleur du corps, et ça affaiblit également la digestion et autres parmi les malades. Et il dit que certains médecins, ils voient que il ne faut avoir recours à cela que dans le cadre de la nécessité ou pour se soigner avec. Et de manière générale, il n'y a pas de mal à se reposer à chaque fois qu'ils sentent une lassitude ou une fatigue. Le dixième adab et le dernier qu'il a cité, أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة. Le dernier adab qu'il a cité ici, c'est de délaisser la fréquentation. Délaisser la fréquentation. Car son délaissement, c'est parmi les choses les plus importantes pour le demandeur de science. Surtout pour ceux qui ne sont pas, qui ne partagent pas avec lui le même domaine qui est la demande de science. Pour ceux qui préfèrent jouer beaucoup et qui passent leur temps dans le rafla, dans l'insouciance, dans la distraction, ceux-là, il faut qu'ils les évitent d'une manière absolue et qu'ils ne les fréquentent pas. Car les natures, comme il a dit, at-tiba'u sarraqa, les comportements et les natures des hommes prennent les unes des autres. Si tu fréquentes des gens qui passent la plupart de leur temps à jouer dans des futilités, dans des distractions, tu vas devenir comme eux. Et si tu fréquentes les gens qui sont le plus souvent sérieux et appliqués dans ce qu'ils font, tu deviendras comme eux également. Il a cité certains inconvénients de la fréquentation de manière générale. Là, il ne parle pas de la mauvaise fréquentation. Fréquenter des mubtadi'a, fréquenter des gens dont les péchés. Là, il parle de fréquenter des gens bien, mais qui n'ont pas la même préoccupation que lui. Ils vont lui perdre son temps et il va perdre son temps avec eux sans profit. Et ce qui se doit aux demandeurs de science, c'est de fréquenter ceux qui lui apportent ou à qui il apporte. Une des deux. Fréquenter des gens qui lui apportent dans sa religion ou à qui c'est lui qui va apporter. Quelqu'un de qui il apprend ou quelqu'un à qui il apprend. C'est les deux fréquentations qui sont recommandées pour Talib al-ilm. Comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est un hadith très faible, urdu aliman aw muta'allima wa la takun ath-thalitha fatahlak, soit savant ou demandeur de science et ne soit pas la troisième, ainsi tu périras. Ça, c'est rapporté de Ali radiallahu anhu. C'est rapporté de Ali radiallahu anhu. Mais du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas authentique, c'est très très faible. Et ensuite, il a dit, s'il est éprouvé par la fréquentation de quelqu'un de ce genre, quelqu'un de qui il ne profite pas dans l'ilm, ou à qui celui qui ne profite pas de lui non plus, alors il doit essayer de couper contact avec lui d'une manière douce et gentille, avant qu'il s'habitue à le fréquenter, avant qu'il ne s'habitue à les fréquenter. Car une fois qu'il va s'habituer à le fréquenter, ça deviendra difficile de le quitter. Et comme les savants disent, الدفعو أسهل من الرفع. Repousser un mal avant qu'il ne s'installe est plus facile que de le repousser une fois installé. Et s'il a besoin de fréquenter quelqu'un, qu'il choisisse quelqu'un de pieux et de vertueux, et qui a la crainte d'Allah, et dont le bien est dominant, et le mal, chez lequel le mal est minime, et qu'il évite ceux qui sont des polémiqueurs, et qu'il fréquente celui, quand il oublie, il le rappelle, quand il oublie, il lui fait le rappel. Et quand il se rappelle, il l'aide. Et quand il a besoin de lui, il l'aide. Et quand il se lasse, il le fait patienter. Et il a cité des vers de Ali radiallahu anhu. Il a dit, لا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه فكم من جاهل أرضى حليما حين واخاه يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه. Ne tiens pas compagnie de l'ignorant et sois en garde contre lui. Combien d'ignorants ont fait périr des hommes intelligents quand ils se sont liés avec eux par une amitié. Et l'homme est jugé et connu avec celui qu'il fréquente. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. وَالْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلِ. L'homme est sur la même pratique que son ami intime. Que l'un d'entre vous regarde ceux qu'il prenne comme ami intime. Prends comme ami intime quelqu'un qui t'aide dans l'apprentissage, qui te motive quand t'es lassé ou quand tu faiblis, et qui te soutient quand t'as besoin de lui. Cherche un ami comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir 10. Si t'en as un seul, ça te suffit, bi'idnillah. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter sur ça. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.